Serri la Roca. Oye, Saliban Abauta, Planet Mars. Marcio de Gunda, Matali Maili, Enka Suguru Echia. Carlos est réputé de mauvais, mais il a de bonnes qualités comme Jésus. L'homme généreux a pour le confort, c'est la merde. Bah, il n'y peut le coup la bazanga, katena du choc et à vous. la capela de l'hôtel. Kisamba motika lelonga na bimisa Oye sou la jenda Na baito bomba na mote manuki Ebo tela na boto Na rindo wela Ana moke la kamisa Na boyo tike lelonga y desespoir Manaba mae zalila kala semezo Kisaka na imote ma Assassin de la musique Bolingo kisamba mabali ya salinga boye Bolingo na tutela kitola lelaba kama kala kisanga misapi Kisho kitoka bazena la zato wapinga bolingo Nana Bolingo kisamba mabali ya salinga boye Bolingo na tutela kitola lelaba kama kala kisanga misapi Thank you. yo lomi tene mwa tene ayaba munu Zinzimbine mana mokonzalo Zinzimbine mana mokonzalo Zinzimbine mana mokonzalo Comme on y tête, comme il attend, il y a motion de censure. Il y a Joël Okana, Mosiga la tête. Oh, voisin. Banama batele, mama kasi, qui te campe, mon zenga, la musique qui a somme. Kita makan sesama tu makan, eh? sangai soki na sala yo mingi nazala kana mai pe na famille ya mbongo te mekako yokela na mawango bato ya mokili mitema mabebo edenite nakosala ndenge nini mpo na bosa na yo te yokela ngai moto na zanga na nga bamoye ata lelo lobili wana kozwa mama Michel Kimangu, Mesme Makita, Justin Opui. Tango etanelinga mawadenite, yebisanga soki na sala yo nini. Nazala kana mai pe la famille mbongo te, mekako yokelanga mawango. Bato ya mokili mitema mabebo edenite, nakosala ndenge nini mpo na bosa na yo te. Yokela ngai moto na zanga na nga bamoye ata lelo lobili wana kozwa mama na molingo nyonso matata ekozangaka te yakadenide na nuvela hey! Alain Lumwamu Kamara Omwanga Tala Kaka Kitoko pe boteza na yo denide Zela nyo soyo kole kamba toba konu na kayo Ah mama, ah mama Et même moi, ma femme, ma vie, ma catite. Ekomeni ne gero mo option de censure. 1. Mauna Bango. Delmas et Pierre Penet. Alors, Rayo Kambela.

Cosmétique, y'a magie. nzonga ami obatela kabana ye la vie ezali etumba mama tikanga na kene koluka tanele tokolonga ye yebaka la vie ya moto samba tuki ezali loko pamba nakoya mwana mama nakoya kotobongisaka likola na biso susi na ngai se tuki yeye koyebaka mbongo ezali eloko na mokili basusu bakokende koluka mbongo ye angai bloko nakozema koluka bakote mbongo ye balobi yo mama okobima te okoma lokola motalati pilie nakoya kwekobongisaka likwela na biso susi na nga se batuki yeye thank you. ezana mikolo nango. Nicolas Niati, on n'est jamais président par hasard. Si mangai et banda bon moi non bato bon sans sourire sans mon azanga patay et dans ma tête montagne son avant mon kili azala moi mao poni ne vino bato pete se ni kolo yanzo to na mai mai ti kana le la passe mangai et banda bon moi non bato bon sans sourire sans mon azanga patay et dans ma tête montagne son avant mon kili Zalangwa mao Poni nibi nomba to pete se ni kolo yanzo to na mai Mai Na mokili sala angele peza la pasyo Ingi bawe la basu tuka basu su Bekebe na malito E dama pate moto nyoso awa na mokili Zalangwa mao Poni nibi nomba to pete se ni kolo yanzo to na mai Mai Mokili sala angele peza la pasyon Mingi bawe la basu tuka basu su Bekele na malito La pasyon se don la vi Garanti na reisite ma Erosion esi esalamaki Alors balingi bakufa double Ya polove Basse Manyema Number One Tika na le la passe mamai et banda bon mwana bato bon so sourire à son on a zanga patay et ta la mate moto nyo so a na mo kili a la la mwa mao Poni ni binom bato pete se ni kolo yanzo to na maimae Kili sala angele peza la pasyon Mingi bawe la basu tuka basu su Bekele na malito E dama mate moto nyo so awana mo Kili azala mwa mao Poni nibino mbato pete se ni kolo yanzo to na mai Mae Namo kili sala angele peza la pasyon Mingi bawe la basu tuka basu su Bekele na malito La patience est dans la vie, garantie la réussite ma Tina nino tinda biso tomona seko pasiana moki